Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les Oreilles ailleurs. C'est Michel Manette au micro. En fin de semaine avait lieu en Pologne le festival, l'événement Woodstock en Pologne. Et oui, c'est un frère de Woodstock en Beauce. Et évidemment, c'est en l'honneur de Woodstock, le fameux Woodstock, fin des années 60. C'était le 20e anniversaire de Woodstock en Pologne, un peu comme c'était le 20e anniversaire de Woodstock en Beauce. Et ce qu'il y avait de merveilleux, c'est qu'on pouvait écouter en direct. On pouvait voir même en direct. Il y avait une caméra sur place qui nous montrait les différents artistes qui se sont succédés sur la scène principale de Woodstock en Pologne. Et je me suis dit, tiens, quand j'ai entendu Mercedes Pehan et Varsavel H-Band, deux groupes, vous le savez, une chanteuse et un groupe, une chanteuse de Galice en Espagne et un groupe de Pologne que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé souvent si vous écoutez régulièrement Les Oreilles ailleurs. Quand je les ai entendus, je me suis dit, il faut que je donne un peu un goût de ce qu'a été ce festival dans la première demi-heure de l'émission de cette semaine. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai préparé pour vous. J'ai choisi donc une pièce de Mercedes Pehan de son album SOS. Ensuite, une pièce de Varsavel H-Band de l'album War's Coming, de l'album Nord, pardon, la pièce s'intitule War's Coming, un album paru en 2013. On va écouter d'abord ces deux pièces-là, et pendant le spectacle qu'on voyait en direct, il y a d'abord eu Mercedes Pehan qui a joué, qui a chanté, ensuite Varsavel H-Band, et ensuite les deux ont joué ensemble. Et je ne sais pas si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que Mercedes Pehan et Varsavel H-Band préparent en ce moment un album qui va sortir bientôt. J'ai très hâte de l'écouter. En tout cas, ce qu'on a entendu, ça donnait un avant-goût. Malheureusement, j'ai pas les pièces qu'elles ont jouées ensemble. Mais je vais quand même vous faire jouer Hélas par Mercedes Pehan et ensuite Vars Coming par Varsavel H-Band et par la suite d'autres groupes qui se sont produits pendant ce festival Woodstock en Pologne ce week-end-ci. On écoute. Estoy en C'était Vars Coming de Vars Village Band, tiré de l'album Nord, un album que je vous recommande chaudement, sans jeu de mots. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec et c'est Michel Monnet au micro. Donc je vous disais que je vous, dans cette première demi-heure de l'émission Les Oreilles ailleurs, je vous donne un petit peu un goût de ce qu'était le festival Woodstock en Pologne. On va poursuivre avec un individu qui est très connu, très populaire en Pologne. On connaît à peu près pas ici. C'est Piercy. La chanson s'intitule Ida Zbojski. C'est tiré de l'album Piercy, Prija Ciele. C'est un groupe, Piercy, qui roule sa bosse depuis 1984. Ils ont 7 albums à leur actif. C'est assez intéressant comme musique. Ensuite, on va écouter Blue Café. Blue Café, qui est aussi de Pologne, qui a été créé en 1998. De eux, on va écouter Nye Nye, tiré de l'album Dada. Puis Tabou, dans la chanson Ak Dobrze Chie Vid Sketch. Ça, c'est tiré de l'album Endorphina. C'est un album qui date de 2009. C'est un band de Tabou qui a été formé en 2003 au sud de la Pologne. Ils ont donné des centaines de concerts un peu partout. Ils ont participé à de nombreux festivals. Ils ont moins d'albums que Piercy. Ils ont 3 albums seulement. C'est probablement parce qu'ils sont très occupés à jouer sur scène, justement. Donc, allons-y d'abord avec Piercy, suivi de Blue Café et suivi de Tabou. Yeah. jak ja, kogoś, kto będzie przy mnie cierpliwie trwać. Ja czekam na tego, kto duszę ma. On spojrzy tak, jakby zawsze mnie znał. O jak dobrze cię słyszeć, o jak dobrze cię widzieć. Voilà, c'était le groupe polonais Tabou, un groupe qui était à Woodstock en Pologne. Ça, c'est un festival qui avait lieu à la ville suivante, Kostrzyn nad Odrą, que les Polonais qui m'écoutent en ce moment me pardonnent mon accent polonais qui est exécrable, je le sais. On va terminer cette demi-heure avec un autre Polonais. C'est quelqu'un qui a formé un groupe de son nom, Bednarek. Et le groupe a été formé en 2012. Avant, il était dans un autre groupe qu'il a laissé. Finalement, il a décidé de créer ce groupe en 2012, et ils ont sorti l'album Jestem. De cet album, on va écouter la chanson éponyme de l'album, chanson qui s'appelle Jestem. Matka braka, żyć dobrze nie za. To właśnie ja idę przez ten świat otwarcie. Pierdolę ludzi, którzy mają brudną wyobraźnię. To ja walczę z nienawiścią i siemą, zawieszony między niebem a ziemią. Tak to ty, zagubiony w sobie już od dawna. Sam nie wiesz, która strona twojego życia jest poprawna. Dobry czy zły, otoczony beznadzieją. Bycie sobą jest swą ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Sprawdź, co jest grane, kiedy ruszamy w miasto. Staw na pierwszym planie, jak debiutujący aktor gra w teatrze marzeń, jak Chicharito. Twoja opinia jak mój krok, zwisa mi to. Ja z ekipą, co ich flow zjada jak burrito. Wierzałem z krytyką, jestem odporny jak Ciso. Dobra, cicho, patrz jak gram staw. Ze mną ludzi garstka, co ujada jak Amstaw. Cała prawda na kartkach, trakach i walkach. To marka plus gadka, co targa jak w Tatrach. Chodzi jak na wakacjach, warka. Wierz mi, płynie jak barka. Na barkach burnej hit, taka dawka od dawna nie wpadła na mainstream. Słuchać w klatkach rozgardiasz, możesz być pewny. Nasza banda to karma podana we petrzy, co pomaga ogarniać, a po słabych wywietrzyć. Braga wprowadza słuchacza do tego, że nie tylko Warszawa to składa jak Lego i napawa obawa, bo jak powiedzieć kolegom, że to podziemna brygada ze Śląska Opolskiego. Podziemna brygada ze Śląska Opolskiego. I represent the real hip hop. I represent the real hip hop. Przez ten świat otwarcie. Pierdolę ludzi, którzy mają brudną wyobraźnię. To ja walczę z nienawiścią i siemą, zawieszony między niebem a ziemią. Tak to ty, zagubiony w sobie już od dawna. Sam nie wiesz, która strona twojego życia jest poprawna. Dobry czy zły, otoczony beznadzieją. Bycie sobą jest swą ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. Ostatnią nadzieją. CKRL 89.1. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite, Visa et Mastercard sont acceptés. 88-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur résidenceleportail.org. Cet été, offrez-vous ou offrez à vos proches une visite guidée historique personnalisée en compagnie de l'historien Éric Dussault. Mylène Moisan du journal Le Soleil le décrit comme un conteur qui raconte de façon dynamique et passionnante l'histoire des gens qui ont vécu dans le Vieux-Québec à l'époque de la Nouvelle-France. Cette visite personnalisée sort des sentiers battus. Elle se fait sur rendez-vous, c'est donc vous qui décidez de l'horaire qui vous convient. La visite coûte 40 $ par personne et dure environ 3 heures. Il faut être au moins 2 personnes pour organiser une visite. Pour plus d'informations, Eric, barre de soulignement du saut 2002, à commercial yahoo.fr, 418-906-6412 ou sur Facebook, Guide historique à Québec. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... A Barbecue, Dawn of the Planet of the Apes 3D, My Sweet Pepperland, Nos étoiles contraires, The Fault in Our Stars, La vie domestique. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... Barbecue, La vie domestique. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez CKRL 89.1, c'est Michel Monnet au micro et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. On était en Pologne dans la première demi-heure. Je vous ai donné un peu un aperçu de ce qu'était le festival Woodstock en Pologne, un festival qui a 20 ans, tout comme le festival Woodstock en Beauce. J'espère que vous avez le goût aussi de fouiller du côté des artistes polonais. On va en écouter un autre tantôt, mais d'abord, on va se déplacer un peu plus au nord, dans l'océan Atlantique Nord. On va aller du côté d'une presqu'île qui donne étrangement, curieusement, un archipel qui s'appelle les îles Féroé. C'est pas la première fois que je vous présente des artistes des îles Féroé. Un ensemble d'îles à peu près à mi-chemin entre le Danemark et l'Écosse. Et curieusement, malgré qu'ils ont à peine quoi 50 000 habitants, il y a plein d'artistes qui sont issus des îles Féroé, dont Gurun et Bartal. C'est un groupe indie pop. On va les écouter dans une pièce d'un album qui s'intitule Nordic Notes, volume 2. La pièce s'intitule Brir. Et ensuite, on va écouter Arthur Rodjek de Krotki Momenti Skupiena, qu'on va écouter de lui. Ça, c'est de l'album Skadam Sige Siaglish Potorzen. C'est lui, Arthur Rodjek, qui est de Pologne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a créé le Festival de musique alternative rock qui a lieu chaque année depuis 2006 en Pologne. Et justement, le festival avait aussi lieu, en même temps que le Festival Woodstock en Pologne, le festival avait aussi lieu cette fin de semaine en Pologne, le festival off. Beaucoup de choses donc qui se passent en même temps. Plein de festivals comme ça à travers le monde. C'est toujours intéressant, surtout quand on nous diffuse en direct, comme ça a été le cas de Woodstock en Pologne. Peut-être que d'ailleurs, ce qui a été diffusé en direct est encore disponible sur YouTube. Je mettrai, je vais voir et je mettrai un lien, si c'est le cas, je mettrai un lien sur le blog. Belle occasion pour vous parler du blog d'ailleurs, Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs.net. Sur ce blog, vous allez retrouver un peu plus tard dans la journée toutes les pièces que je fais jouer aujourd'hui. Pas besoin de prendre des notes, surtout si c'est en polonais. Pas besoin de prendre des notes, donc tout ça va être écrit sur le blog lesoreillesailleurs.net. De là, vous avez accès à la page Facebook, au compte Twitter et aussi à la page sur CKRL de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Donc, écoutons d'abord Gurun and Bartal et ensuite Arthur Rodjek. Thank you.

Sur Rojek, le fondateur du festival OFF en Pologne qui avait lieu ce week-end du 1er au 3 août jusqu'à aujourd'hui dans une ville en Pologne dont j'oublie le nom. Petite erreur tantôt, je me suis trompé par rapport à l'endroit d'où vient Gudrun and Bartal, le premier groupe que je vais te présenter pendant cette demi-heure. Ils sont de Finlande. C'est plutôt le groupe qu'on va entendre après celui-ci, celui que je vais vous faire jouer, Valravn, le groupe Orca. C'est plutôt le groupe Orca qui est des îles Féroé. Quant à Valravn, c'est un groupe danois de musique folk pagan qui a été formé en 2003. C'est un mélange d'instruments traditionnels, aussi de sons électroniques. Et la chanteuse Anna-Catherine Egilstrow est fortement influencée par la chanteuse Björg, comme vous allez le constater. Donc, on va écouter Sirkenst de Valravn. Ensuite, on va écouter Arca, ce groupe des îles Féroé qui est installé à Londres et qui, depuis 2006, fait carrière avec des instruments qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, imaginez, auxquels ils ont ajouté des éléments évidemment d'instruments électroniques, je dis évidemment, des éléments d'instruments électroniques. On va écouter Dirnar Eru Opnar de ce groupe des îles Féroé. Mais d'abord, écoutons Valravn dans la chanson Sirkenst du tiré de l'album Recorded. Thank you. ir įsitaisim aisisel. Öppnar med ungen vet kvar ut här är blå. Lojdan är det fyra men att livande och dets den tur av beron. Sanden kätter, ungen vad det hötter, tåsa bäst ur gatan som öter öter. Oh,

Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'émission Les Oreilles ailleurs qui se poursuit pour cette troisième demi-heure. Si vous étiez avec moi il y a quelques minutes, je vous ai dit qu'on allait en Allemagne. On va commencer par une chanteuse qui s'appelle Judith Holofern. Elle est née à Berlin-Ouest. La distinction est importante si vous connaissez l'histoire, si vous êtes né avant 1980, dans les années 50, 60, 70, 80 même, ou si vous connaissez bien l'histoire, c'était plus tard, mais vous connaissez l'histoire, vous êtes encore jeune, mais vous savez distinguer Berlin-Ouest. En fait, c'était comme une enclave dans Berlin-Est, dans l'Allemagne de l'Est qui appartenait au bloc soviétique à l'époque. Elle a suivi sa mère à Fribourg après son bac, mais elle est revenue à Berlin. Elle a étudié la communication sociale, la communication économique. Elle a fait d'ailleurs un mémoire sur Adbuster, un magazine anti-publicitaire qui a eu un certain succès à un certain temps. D'ailleurs, ça me rappelle que faudrait peut-être que je vois s'il existe encore ce fameux magazine Adbuster. Elle a joué de la musique de la rue. Puis, elle a tenté sa chance comme auteur, compositeur, interprète sans succès commercial. Mais c'est quand elle s'est mise à chanter et à jouer la guitare avec le groupe Wir sind Helden qu'elle a commencé à avoir du succès. Et maintenant, elle a produit un album seul, Ein letztes Schwerz. Et on va écouter de cet album Ein letztes Schwerz, la chanson éponyme de l'album. Ensuite, on va écouter Click Click Decker, qui lui est un chanteur de Hambourg, toujours en Allemagne. Il a commencé, lui, par sortir sa musique uniquement sur des cassettes, imaginez. On a la boîte à cassettes ici à CKRL le mardi soir, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, imaginez que lui, il a commencé à sortir sa musique sur des cassettes, puis à partir de 2002, il a offert aussi des disques compacts. En 2006, son troisième CD, Nicht für Ungun, a fini par atteindre les magasins. Et par la suite, ben ça s'est mis à bien tourner pour lui. C'est une question de, comme on dirait en anglais, de die, hein? Do it yourself, une attitude vraiment assez particulière de ce chanteur Click Click Decker qui a vraiment décidé de se lancer par lui-même. C'est la chanson qu'on va écouter, en fait, c'est Die Not Zlossen tiré de l'album Ich glaube dir gar nicht und irgendwie doch alles. Mais d'abord, on va écouter Judith Holofern. Gib mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und fall. Ich führe ein leichtes Schwert für meine müde Hand. Eins, das tanzt wie ein Schmetterling, tanzt wie ein Schmetterling, tanzt, tanzt, tanzt. Eins, das Jungfrauen zersägt, das Dämonen zerschlägt, keine andere duldet als die, die es trägt. Ein Schwert, das schrecklich ist und wunderbar, das im Dunkeln leuchtet. Ein leichtes Schwert für meine Mühe. Für alles zu gebrauchen. Manchmal würde ich dich gern einfrieren, dich nie wieder verkaufen. Ich würde dich ab und zu mal rausholen, schlecht gelaunt und abgebrannt. Ziehen wir dann um die Häuser, bis der Inhalt ich das fand. Während ich das Porzellan verfärbe, legt deine Hand auf meinen Nerven. Ich kotze alles in die Notizen, so kann uns niemand was vorwerfen. Wenn sich die Sätze überschlagen, schiffen wir auf Engpässen. Du weißt nicht mal meinen Namen und ich bin von dir besessen. Und als du mir dann sagtest, das mit uns, es liegt, glaube ich, an dir. Als du mir dann sagtest, das mit uns, das liegt, glaube ich, an dir. Würde man uns finden, wir wären viel mehr als gut gelungen. Wir pressen die Furcht durch unsere Knochen, dabei die Körper fest umschlungen. All die unnützen Gedanken, hab die Zunge voller Fragen. Wir verbiegen uns zu Formen, von denen wir keine Ahnung haben. Unser Mut ist unergründlich, wir würden uns niemals verlaufen. Ist wie mein altes Taschenmesser, für alles zu gebrauchen. Ich würde dir ab und zu aufs Maul hauen, schlecht gelaunt und abgebrannt. Starr ich in den Spiegel, bis der Inhalt ich das fand. Ich sag, kein Satz wird dadurch besser, dass du ihn ständig nur wiederholst. Kein Satz wird dadurch besser, dass du ihn ständig nur wiederholst. We'll be right back. das mit uns, es liegt, glaube ich, an dir. Als du mir dann sagtest, das mit uns, es liegt, glaube ich, an dir. Das mit uns, es liegt, glaube ich, an dir. C'était Click Click Decker, un chanteur allemand qui a fait sa propre mise en marché. Je dois avouer que ça se fait de plus en plus. De plus en plus d'artistes décident de passer par le web et d'y aller directement vers d'éventuels acheteurs, puis de passer par des plateformes qui relèvent pas nécessairement des grandes maisons de productrices de disques, des grandes majors du disque. Et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus accès à de la musique. De plus en plus facilement accès à de la musique qui était beaucoup plus difficilement accessible auparavant. On va poursuivre donc tôt. On est toujours en Allemagne, on demeure jusqu'à la fin de la demi-heure en Allemagne. On poursuit avec un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Kapelle Bulgurg. C'est un groupe que j'avais contacté l'an passé parce que je voulais savoir un peu qui ils étaient. Et bon, tout était en allemand uniquement sur leur site web. Alors, je les ai contactés, on a échangé. Il y a un billet d'ailleurs qui est sur le site, sur le blog lesoreillesailleurs.net sur Kapelle Bulgurg. C'est KAPELLBULLBERG. Si vous allez là, vous allez en savoir un peu plus sur ce groupe. Vous dire que c'est le blues, le rock, le reggae, la musique gypsy qui les inspire, c'est ce qu'ils m'ont dit, et s'évertuent à transmettre la joie de vivre à travers leur musique. On va donc écouter une pièce d'eux. La pièce s'intitule Eingenheim, c'est tiré de l'album Kapelle Bulgurg, un album qui est paru en 2011. Ensuite, on va écouter Blumentopf. Dans une pièce qui s'intitule Feinster zum Berg, c'est tiré de l'album du même nom. Blumentopf, c'est carrément du hip-hop, mais vous allez voir, c'est assez intéressant parce que c'est un hip-hop mélangé à de la musique bavaroise. Et oui, rien de moins. Écoutons d'abord Kapelle Bulgurg. Dorf ist angebrannt und alle kommen rausgerannt, herausgerannt, herausgerannt. Da stehen wir in Pantoffeln, gucken alle ganz betroffen, ganz betroffen. Stadtrand, am Stadtrand. Die gelben Flammen schlagen um den Mittelklassewagen. Klassewagen, Klassewagen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, plötzlich brennt mein eigen Hals. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, in der Glut kriegt mein Sparschwein. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, endlich kann ich wieder weinen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, endlich kann ich wieder. Am Strand in Sizilien. Er sagte immer nur: Scheiß auf Mittelmeer, ich muss nicht weit. Die Berge reizten ihn entschieden mehr. War nun mal noch nie in Flachland Tiroler näher als Sandburg und Beach sind im Gamsbad und Jodler. Und wenn ich einen Blick in die alten Alpen riskiere, sehe ich uns in Kniebundhosen in den Alpen posieren. Ist kein Erstbesteiger, Extremkletterer und Angeber. Er sitzt nur gerne auf dem Gipfel und ist Landjäger. Mit seinem Bergsteigerhut aus echtem Ziegenfell. Denn bei Regen riecht das Ding kriminell. Doch das macht ihm nichts, nur bei Nebel ist er beleidigt. Ohne Weitsicht, ich weiß nicht. Brauchte keine Karte, er kannte sich aus. Er ging Schritt um Schritt und wir Kinder rannten voraus. Schrieben uns in Gipfelbücher, rutschten Firnfelder hinunter und machten mit Papa Brotzeit. Und ging's uns irgendwann zu steil bergan, dann war mein Papa spendabel und wir fuhren mit der Bergbahn. Ob Osterferien, Sommerferien, Winter oder Herbst, unsere Ferienwohnung hatte immer Blick Richtung Berg. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Deutsche Vita, Café Olé, Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, doch leider nicht in meinem Interesse. Mein Vater war immer ein sturer Mann mit Prinzipien. Drum waren wir anders als die anderen Familien. Meine Klassenkameraden haben es mir jedes Mal erzählt, wie sie baden waren und surfen im Club Mediterranee. Sie von Wasserski und kauften den Mädels Gelati. Ich trank Skiwasser auf der Berghütte mit meinem Papi. Und immer wenn sie schwärmten von Paella und Muscheln, blieb ich stumm oder murmelte nur statt Ciao Bella und Buenas Dias hieß es bei uns. Wir waren mal in Italien, aber nur in Südtirol. Und so vermisste ich das Meer sehr, doch gefiel der Blick Richtung Bergmeer. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Deutsche Vita, Café Olé, Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, doch leider nicht in meinem Interesse. Mein Vater war immer ein kluger Mann mit Prinzipien. Nur manchmal fand ich seine Ansichten schwierig, denn vom Fußballtraining hatte er keine hohe Meinung. Was dort zählt, ist nicht die Person, nur die Leistung. Und deshalb wurde es nix aus meiner Stürmerkarriere. Statt zu F-Jugend spielen, fuhren wir samstags in die Berge. Und sein Kommentar, als meine erste Baggy-Pant im Stand ging: Manchmal scheint das Geld ganz sicher. Und als wir Konzerte gaben, sind wir bis zum Meer gefahren. Papa fragte, warum Wilhelmshaven spielt doch erst im Berchtesgaden. Und auch heute noch ist ihm nicht jeder Rap sympathisch. Doch trotzdem sagt er: Gegen Hip-Hop hab ich gar nichts. Denn er ist und bleibt nun mal ein liebenswürdiger Sturkopf. Und er sammelt jeden Zeitungs Ausschnitt von unserem Tourstopps. Er muss sein Geld nicht sparen, er hat mir längst was vererbt. Denn wenn's draußen schneit, freu mich von dem Fenster zu Berg. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zu Berg, durchs Fenster zu Berg. Mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick. Durchs Fenster zu Berg. Deutsche Vita, Café Olé, die Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, doch leider nicht in meinem Interesse. N'est-ce pas que c'est particulier comme musique? Blutentops, ils étaient accompagnés du Music appelé Munsing. On dit de eux qu'ils ont un style très conteur, qu'ils ont beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie aussi, beaucoup de jeux de mots. Et en fait, ce qu'ils racontent, c'est des histoires de tous les jours, mais ils se moquent joyeusement de la société dans laquelle ils sont, la société allemande. On va poursuivre avec Marteria. Marteria, c'est Martin Lassini. C'est un rappeur allemand. On est toujours en Allemagne. Il y a deux albums à son actif. Et on va donc écouter de lui la pièce Kids. C'est tiré de l'album Kids, Two Finger and Then Kopf. Ensuite, on va écouter Deine Lieblingsrapper. Ça, c'est deux rappeurs allemands, Oliver Harris et Sido. Ce sont des rappeurs très connus en Allemagne. On va écouter deux Mit-Styles tirés d'album Deine Lieblingsalbum. Et puis, ça va être tout pour cette demi-heure. Donc, on poursuit avec le rappeur Marteria. Ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern, so ist das hier im Block. Tag ein, Tag aus, sag mir zwei Finger in den Kopf und mach hey, hey, hey. Jeder fährt Passat, keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf dem Sofa, rauch das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt Troll, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. Keiner mehr Verlierer, keiner geht mehr Clown, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin. Keiner will mehr ballern, treffen um zu reden. Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten. Leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne. Thank you. Schrank. Ich hab mehr Schuhe im Schrank als du Stecknadeln an deiner Jacke. Frauen mögen mich sehr, ich sie auch und ich werd alle wegnageln, die ich nicht hatte. Ich seh aus wie ein Prinz, ihr liebt mich wie den Papst. Ich sag's wie es ist, ihr seid alle für'n Arsch. Ich mach was ich will und ich scheiß auf dein Fazit. Weil ich ein Fan war, bin ich noch kein Nazi. Ich pass auf, ich mach keine Ausnahmen. Viel mehr Einkommen als Ausgaben. Ich will dieses Album in Weißgold, ich scheiß Gold. Ich mach's mit Stil. Guck mich an, ich mach nicht viel. Egal, ich mach's mit Stil. Egal was kommt, ich verfolg mein Ziel. Zeit, Alter. Ich mach's mit Stil. Guck nur an, Wimmern, ich mach's mit Stil. Ich brauch keine Hantelbank. Ich mach's mit Stil. Ich mach mein Geld. Ich mach's mit Stil. Ich mach's wie. Ich mach's wie. Ich mach's mit Stil. Willkommen, everybody, to the Wild Wild West. Wenn du willst, dass deine Frau bei dir bleibt, halt sie halt fest. Wie den Lenker von meinem Lowrider. Alle sagen sie knapp heute, aber ich glaub, sie kennen nur Klo-Viber. Ich mag Xbox und in die Röhre glotzen. K1 Euro Sport guck ich, als würde ich mitboxen. Ist Berlin in the house, oh yeah. Ich sag euch nicht nur am ersten Mal, ich der Tier der Bär. Ich krieg viel Liebe von meiner Familie, sie ist mir wichtig. Deswegen steht in meinem Digi-Belt am Rich Bitch. Das Endspiel 2006 guck ich nicht ohne, nur VIP-Loge. Ich mach's mit Stil. Guck mich an, ich mach nicht viel. Egal, ich mach's mit Stil. Egal was kommt, ich verfolg mein Ziel. Zeit, Alter. Ich mach's mit Stil. Guck nur an, Wimmern, ich mach's mit Stil. Ich brauch keine Hantelbank. Ich mach's mit Stil. Ich mach mein Geld. Ich mach's mit Stil. Ich mach's wie. Ich mach's wie. Ich mach's mit Stil. Mooshammer und Kokshammer. Yeah. Komm her, los, setz dich auf mein Schoß, Anna. Die Mütze schlick und die Hose in die Knie kehren. Aber Handschuhe aus Seide an, wenn Kies zehren. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Petit sondage. Êtes-vous passionné de musique, d'art ou de culture? Un bon communicateur, disponible une heure ou deux par semaine, prêt à vous investir dans une radio communautaire? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous pourriez avoir votre place dans la grille horaire 2014-2015 de CKRL. Rendez-vous au ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 août. N'hésitez plus à faire partie de la grande équipe de CKRL. Du 12 au 16 août, Desjardins vous invite au party de cuisine préféré des amoureux de la chanson francophone. La Chantofête de Charlevoix, présentée en collaboration avec Loto-Québec. Sur scène, Vincent Vallière, René Martel, Yann Perrault, Alex Nevsky, Patrice Michaud, Alexandre Desilets, Chloé Lacasse et plus d'une trentaine d'artistes. Les incontournables, au Café des Retrouvailles, proposé par Vincent Vallière, le président danse autrement, la grande boîte aux chansons, sur la voix d'Alphonse. Billets en vente sur lepointdevente.com et par téléphone au 418-638-5353. Visitez le chantofête.com. Strictly reggae music. You cannot refuse it. Strictly reggae music. Racine musicale, tous les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Seulement 89.1. Bien entendu, bien entendu. Strictly reggae music I play. Strictly reggae music I play. Strictly roots reggae. Vous écoutez l'émission Les Oreilles ailleurs et c'est Michel Monnet au micro et c'est la dernière demi-heure de l'émission. On va descendre un peu plus au sud et à l'est, on s'en va en Grèce, mais surtout en Turquie. On commence en Grèce avec Christy Stassinopoulos et Statis Kalyviotis. Christy Stassinopoulos, c'est une chanteuse grecque, c'est elle, c'est la leader, c'est elle qu'on entend chanter. Statis Kalyviotis l'accompagne à la musique. Elle est Elle est multi-instrumentaliste aussi. Pardon, c'est Statis qui est multi-instrumentaliste. Christy Statinopoulos chante. Elle est dans la scène underground, underground grecque depuis très nombreuses années. Ils ont sorti en 2012 un album qui s'appelle Greekadelia, un superbe album. Fait partie aussi des albums que je vous recommande chaudement. Et là, c'est vraiment le cas de le dire. Tantôt, je parlais d'un album de Warsaw Village Band Nord qui est plus en Pologne. Et je vous le recommandais chaudement alors que c'est au Nord. Mais on est au Sud et je vous recommande tout aussi chaudement l'album Greekadelia pour trêve de plaisanterie. On va donc écouter Anamesa Nissourou de cette chanteuse et de ce multi-instrumentaliste tiré de l'album Greekadelia. Ensuite, on va écouter Ceylan Ertem, la magnifique chanteuse Ceylan Ertem, chanteuse turque, de l'album Utopyalar Gözeldir. On va écouter Ertesi Geçe. Elle a entrepris à l'âge de 12 ans sa carrière musicale. Imaginez, Ceylan Ertem. Elle a passablement roulé sa bosse, pas seulement en Turquie, mais ailleurs en Europe. Elle a appris à jouer de la guitare, elle a fait des études en musique, elle a fait de la radio, elle a participé à une aventure qui met en vedette les femmes qui jouent du jazz en Turquie. Donc, une jeune femme très active qui fait beaucoup pour faire avancer la musique, et ça va paver la voie vers justement des groupes qui essaient de transformer la musique turque, de la moderniser en quelque sorte. Mais d'abord, écoutons Christy Stassinopoulos et Statis Kalliviotis dans la chanson Anemeza Nisiru, suivi de Ceylan Ertem dans la chanson Ertesi Geçe. Oh, gece Titreşin ertesindeki gece Sarhoş keyfinin hüzün bası Tuhaf bir rüyanın gerçeği bu kadar yaklaşması Kadınlar ne bulduysa sürtüyor O kadınların küçük mavi adamı Bu kadın serserinden birini gördüğünde yazıyor Leş gibi tavırlarıyla işsiz ilham kaynakları Elle est vraiment dans une classe musicale à part. Le groupe qui suit, Bouyouk Ev Abloukada, est qualifié d'un des bands les plus mystérieux de la scène alternative turque. Il est né en 2008 à Beyoğlu, à la limite du vieux Pera. C'est un endroit perché sur une montagne située sur la rive européenne du Bosphore. Donc, on peut presque dire que c'est un groupe européen et non un groupe asiatique, en un sens. Beyoğlu est séparé de la vieille ville de Constantinople par la Corne d'Or, imaginez. On va écouter deux Nevar Neyok de l'album Full Faka. Ensuite, on va écouter Multitape, la chanson Aït de l'album Aït. Je vous en dirai davantage sur Multitape par la suite. Mais d'abord, on écoute Bouyouk Ev Abloukada. Thank you. flesh don't far clear. Bir seyir, bir de güzel bahçe başka oyun aynı. Yine kayıp bizi üzen o değil, onlar değil. Yine kayıp bizi üzen. Görmesin bizi. parmağım bilsem. Peşine düştüm zevkler mi? Yarına verdiğim sözler mi? Tutmayan iyi dilekler mi? Ah bilsem. Beni hala burada tutan ne bilsem? Ah bilsem. Le groupe turc Multitap dans la chanson Haït. On va terminer cette émission avec un groupe rock turc qui s'appelle Duman. C'est un groupe qui a très influencé non seulement par le rock, mais le grunge et la musique traditionnelle turque aussi. Le leader du groupe, Kaan Dagöz, a commencé à écrire ses chansons alors qu'il vivait à Seattle au début des années 90. Il a joué dans un groupe qui s'appelle Madame. Puis il est venu en Turquie, il a formé le groupe Duman avec Ari Barokas, qui jouait, lui, dans Blue Blues Band, et avec Batutan Mutlugli. Et la première chanson, c'est Alimiz Dolman de ce groupe. Peut-être chercher sur YouTube, ça vous donnera une idée de ce qu'il faisait en début de carrière. Mais là, on va écouter la chanson Sevi Yorsan Inani Yorsan. C'est une chanson tirée de l'album Derma Dolman. C'est un album qui est paru en 2013. Bilirim deli yüksün, ağlarız ağlarız.